Matière et mémoire de Bergson paraît en 1896. C'est le deuxième grand livre du philosophe dans lequel il continue d'explorer le malentendu autour de deux notions clés en métaphysique, l'espace et le temps. Pour Bergson, le monde est temporel et l'espace n'est que le cadre grâce auquel nous percevons et connaissons ce monde. Dans l'espace, je perçois des images qui ne sont ni tout à fait des représentations, ni tout à fait des choses. Et le premier chapitre de Matière et mémoire, dont nous avons parlé hier avec Frédéric Worms, s'intéressait à cette image particulière qu'est mon corps, à partir de ce que Bergson nomme le sens commun. Dans le deuxième chapitre, Bergson explore un problème passionnant. Que pouvons-nous dire et savoir de la mémoire ? Comment fonctionne-t-elle ? Où se trouvent les souvenirs ? Et quel rôle le cerveau joue-t-il dans la fabrication et la conservation de ces souvenirs ? Le plus simple, ce serait sans doute de regarder directement à l'intérieur du corps et d'observer comment ça se passe. Ne fanfaronnez pas trop, monsieur de la Patte, car nous allons maintenant voir ce que vous avez dans le ventre. Vous pouvez y aller, Van Zimmel, j'en ai vu d'autres. Non, je parle de ce que vous avez réellement dans le ventre. Qu'allez-vous faire, Van Zimmel ? Je vais ouvrir mon coffre-fort. Il y a quelques années, j'ai placé dans votre poitrail deux microfilms. L'un comportant une liste de collaborateurs français, l'autre, beaucoup plus important, une liste de comptes en Suisse qui donne accès à un fabuleux trésor de guerre. Comment se fait-il que je ne m'en souvienne pas ? Grâce à ceci, c'est un élixir qui permet d'effacer la mémoire immédiate. Mon Dieu, ça y est, je m'en souviens. Qu'allez-vous faire, Van Zimmel ? Je vais ouvrir mon coffre-fort. Je vais placer dans votre poitrail deux microfilms. L'un comportant une liste de collaborateurs français, l'autre, beaucoup plus important, une liste de comptes en Suisse qui donne accès à un fabuleux trésor de guerre. Mais comment voulez-vous que je ne m'en souvienne pas ? Grâce à ceci. C'est un élixir qui permet d'effacer la mémoire immédiate. Intact. Merci. Bonjour Yala Kisukidi. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que vous allez bien ? Je vais très bien, merci beaucoup. Eh bien, je suis ravie que vous ayez accepté de parler de Bergson ce matin, alors quand Von Zimmel ouvre le poitrail d'Hubert Bonisseur de la Batte, mieux connu sous le nom d'OSS 117, pour y placer des informations secrètes, il illustre, sans le savoir, le geste du matérialiste qui pense qu'il suffit d'ouvrir le crâne et d'observer le cerveau pour comprendre comment fonctionne la mémoire, ce contre quoi Bergson s'inscrit en faux. Effectivement, et là nous entrons dans le deuxième chapitre donc de Matière et mémoire, et une des thèses fortes de ce chapitre 2 consiste justement à dire que le cerveau n'emmagasine pas les souvenirs. Le cerveau n'est pas un organe de représentation, une espèce de partie immatérielle du monde, donc, qui aurait tout d'un coup le pouvoir magique de créer des représentations immatérielles, c'est-à-dire des souvenirs. Et ça, c'est une thèse qui est extrêmement, qui va être centrale, en fait, dans ce deuxième chapitre de Matière et mémoire. Un deuxième chapitre qui est un peu aride, peut-être un peu compliqué, qui peut fonctionner de manière autonome, puisque c'est un chapitre que Bergson avait déjà publié avant même la construction du livre Matière et mémoire dans la revue philosophique de Théodule Ribaud. Et donc ce chapitre qui tient en lui-même peut apparaître tout à fait singulier dans l'économie du texte, puisque si on lit le titre, on a de la reconnaissance des images, la mémoire et le cerveau, à quoi avons-nous affaire à un livre de réflexion sur les fonctions psychologiques de la mémoire, un livre de neurologie, un livre de physiologie, etc. En tout cas, toutes ces questions, tous ces champs de réflexion vont s'emboîter, toujours pour résoudre un même problème, un problème métaphysique, à savoir celui de la relation entre l'esprit et le corps. Et c'est à partir de cette thèse forte, donc, que je signalais au départ, à savoir le cerveau n'emmagasine pas les souvenirs, qu'on va pouvoir, comment dirais-je, entrer et réélaborer, en tout cas, les termes de ce problème métaphysique, et essayer justement de penser la relation donc, du corps et de l'esprit. Le programme est parfaitement esquissé, je vous en remercie, c'est très clair. Je précise que vous êtes maîtresse de conférence en philosophie à l'Université Paris 8 et que vous avez écrit un Bergson ou l'humanité créatrice. C'était aux éditions du CNRS en 2013. On va se plonger dans le texte et d'abord je rebondis sur la thèse de ce chapitre. Le cerveau n'emmagasine pas les souvenirs. Avant même de suivre l'argumentation de Bergson, on peut d'emblée faire justice à la première réaction, sans doute, qu'est la nôtre quand on entend cette phrase, c'est de dire « mais alors, où sont les souvenirs ? Si les souvenirs ne sont pas dans le cerveau, où sont-ils ? Ils flottent autour de nous ?» Si les souvenirs ne sont pas dans le cerveau, c'est qu'ils sont dans la mémoire. Mais encore là, il va falloir être très précis, puisque nous ne savons pas précisément de quoi nous parlons quand nous parlons des souvenirs. Et là aussi, il va falloir, spécifier de manière très stricte ce que sont les souvenirs et ce que nous entendons par souvenirs. Parce que bien souvent, nous mélangeons plusieurs termes, plusieurs formes dans l'idée de souvenir qui ne collent pas nécessairement. D'où l'ensemble des confusions que nous avons quand nous croyons justement que c'est le cerveau qui emmagasine les souvenirs. Alors précisons peut-être comment Bergson en est arrivé à la question de la mémoire. C'était la fin du premier chapitre. On en a parlé hier, mais pas assez sur le thème même de la mémoire. Pourquoi, lorsqu'il avait présenté ce que c'était que les images et cette image particulière qu'est mon corps, comment en vient-il à explorer le phénomène même qu'est la mémoire ? Pourquoi est-ce important pour lui à ce moment-là du texte ? Alors, Bergson, à plusieurs reprises dans le chapitre 1 de Matière et mémoire, montre que la question de la mémoire, est une question qu'il faut privilégier ou qui doit être privilégiée. Et elle acquiert une espèce de privilège métaphysique à la fin du chapitre 1, puisque c'est précisément à partir de la théorie de la psychologie, cette théorie psychologique de la mémoire, qu'on va pouvoir commencer justement à essayer de comprendre, la manière dont dans un premier temps métaphysique, se lie la question du corps et de l'esprit, mais par rapport à la théorie de la perception qui a été analysée dans le chapitre 1, ce qu'il va falloir essayer de montrer maintenant, c'est comment s'effectue la perception concrète. C'est-à-dire que la perception qui a été analysée dans le chapitre 1 était une perception pure qui permettait de comprendre comment le corps sélectionne les images dans le tout de la matière. Mais maintenant, il va falloir montrer comment cette perception, de certaine manière, est toujours concrète et s'accompagne d'une certaine épaisseur de durée. Et c'est ainsi ce basculement qui va s'opérer dans le chapitre 2. Il va falloir essayer de comprendre plus précisément, en fait, le lien, ce lien précis entre la perception, donc, et la mémoire, la perception et le souvenir. Et heureusement, Bergson emploie un exemple concret qui parlera à tout le monde pour avancer dans ce chapitre et commencer à distinguer deux formes de la mémoire. Voici le texte lu par Éric Herson-Macarel. Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do, le vrai musicien répète avec ardeur de sa vante gamme et des arpèges. Si nous voulons chaque jour les pratiquer, nous verrons nos progrès vite encouragés. J'étudie une leçon, et pour la prendre par cœur, je la lis d'abord en scandant chaque vers. Je la répète ensuite un certain nombre de fois. À chaque lecture nouvelle, un progrès s'accomplit. Les mots se lient de mieux en mieux, ils finissent par s'organiser ensemble. À ce moment précis, je sais ma leçon par cœur. On dit qu'elle est devenue souvenir, qu'elle s'est imprimée dans ma mémoire. Le souvenir de la leçon, en tant qu'apprise par cœur, a tous les caractères d'une habitude. Comme l'habitude, il a exigé la décomposition d'abord, puis la recomposition de l'action totale. Comme tout exercice habituel du corps, enfin, il s'est emmagasiné dans un mécanisme qu'ébranle tout entier une impulsion initiale, dans un système clos de mouvements automatiques qui se succèdent dans le même ordre et occupent le même temps. Au contraire, le souvenir de telle lecture particulière, la seconde ou la troisième par exemple, n'a aucun des caractères de l'habitude. L'image s'en est nécessairement imprimée du premier coup dans la mémoire, puisque les autres lectures constituent par définition même des souvenirs différents. C'est comme un événement de ma vie. Il a pour essence de porter une date et de ne pouvoir par conséquent se répéter. Tout ce que les lectures ultérieures y ajouteraient ne ferait qu'en altérer la nature originelle. Et si mon effort pour évoquer cette image devient de plus en plus facile à mesure que je le répète plus souvent, l'image même envisagée en soi était nécessairement d'abord ce qu'elle sera toujours. « Matière et mémoire est un texte difficile, on l'a dit, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que Bergson est déjà un grand prosateur et qu'il a le sens des exemples. Et bien souvent, ce sont les exemples qui nous permettent de comprendre ce qu'il est en train d'affirmer. Ici, l'exemple de la leçon apprise par cœur est paradigmatique de son utilisation des exemples, c'est-à-dire que là, on comprend très bien quels sont les deux types de mémoire. Il y a la leçon qu'on se remémore, et il y a les différentes lectures successives de la leçon qui ont eu lieu pour pouvoir arriver à l'état de leçon apprise par cœur. Quand on se les remémore, et ben ça n'a pas du tout le même statut. On peut le dire comme ça. Il y a l'Akisuki dit. Tout à fait. Alors ce texte aussi, il est important. Donc il inaugure effectivement le chapitre 2 de Matière et mémoire. Il me permet de revenir un petit peu sur ce que je disais auparavant, à savoir de quoi parle-t-on quand on parle d'un souvenir. Et ce texte nous permet justement de montrer en fait qu'il y a deux formes de la mémoire, c'est-à-dire deux modes de survivance du passé, c'est-à-dire que le passé survit sous deux formes distinctes, il y a deux types de souvenirs si on veut. D'un côté, des mécanismes moteurs, ce qui va renvoyer à ce que Bergson appelle la mémoire habitude, et de l'autre, des souvenirs indépendants qui renvoient à telle lecture qui possède sa date dans l'apprentissage que j'ai pu faire donc de ma leçon. Et donc la distinction entre ces deux mémoires, d'une certaine manière, permet de distinguer entre deux souvenirs, entre d'un côté les lectures successives qui me reviennent avec leur individualité propre, comme un événement déterminé de mon histoire, en fait. Donc ça, ce sont effectivement ces souvenirs singuliers, chaque lecture répétée possédant sa date. Et ensuite, le souvenir en lui-même de la leçon, en fait, a tous les caractères, finalement, d'une habitude. J'ai répété un même effort, c'est mon corps, en fait, qui a répété un même effort d'articulation, en fait, qui fait que, finalement, cette lecture, cette leçon que j'ai apprise, m'apparaît comme une espèce de tout, en fait, et qui ne possède plus, finalement, les traces de ces différentes lectures particulières. Et elle constitue une habitude, c'est la leçon que j'apprends par cœur pour passer un examen et que mon corps habitué à répéter, etc., sera capable une fois encore de répéter. Et elle est extrêmement importante, cette distinction entre ces deux mémoires, soit cette distinction entre ces deux types de souvenirs, puisque finalement il s'agit dans ce texte pour Bergson d'opérer une première différence ici, qui sera une différence de nature, entre précisément le souvenir de la leçon et le souvenir de telle lecture, c'est-à-dire entre le souvenir, comment dirais-je, pensé comme une habitude du corps, et le souvenir pensé comme une représentation, le souvenir de telle lecture, donc. Entre le souvenir, donc, pensé comme une action, et le souvenir pensé comme une représentation. Et ce qui est intéressant, il y a une image, moi, que j'aime beaucoup, en fait, dans ce texte, dans ce long développement, qui excède un peu le texte qui a été lu en extrait, mais qu'on retrouve dans le chapitre 2 « Matière et mémoire », c'est que Bergson a une expression très précise pour distinguer justement l'habitude du souvenir pur. C'est qu'il dit précisément que dans la leçon apprise, cette leçon apprise, en fait, elle fait partie de mon présent. Elle est vécue, elle est agie, mais elle n'est plus représentée. Alors que le souvenir de telle lecture est une représentation qui tient dans une intuition de l'esprit. Et donc ce premier moment, en fait, cet exemple de l'apprentissage de la leçon, il a ceci d'extrêmement important, qui nous permet en fait de distinguer entre la représentation et l'action, entre le corps, si vous voulez, et de l'autre une mémoire, en fait, entre l'habitude et de l'autre côté le souvenir pur, et donc d'opérer toutes ces premières distinctions, en fait, qui vont être centrales pour la théorie de la mémoire qui va se développer et dans ce chapitre 2 et dans le chapitre 3 donc de matière et mémoire. Aurais-je raison de recevoir cette distinction si je me place vraiment du point de vue du sens commun, selon l'expression de Bergson, et il s'adresse à un lecteur qui se placerait du sens commun, sur le sens commun, il lui demande même de feindre l'ignorance sur toutes ces questions. Aurais-je raison donc de considérer que la mémoire habitude, c'est en fait la mémoire telle qu'elle s'imprime dans le corps, la mémoire qui s'incorpore, un souvenir qui est présent dans le corps, quand de l'autre, la mémoire pure ou spontanée serait au contraire une mémoire de l'esprit, une mémoire presque volontaire. Mm-hmm. Et donc ici, de voir une sorte de dualisme. La première mémoire serait celle du corps, la seconde celle de l'esprit. On pourrait tout à fait dire les choses comme ça, et même c'est ce à quoi nous invite Bergson quand il parle de... Il a plusieurs exemples, en fait. Même il reprend l'exemple de l'apprentissage d'un geste. On pourrait apprendre l'apprentissage, par exemple. Il sait pas loin souvent de musique, il parle juste d'un geste qu'on voudrait reproduire, etc. Mais quand nous apprenons, comment dirais-je, à jouer de la musique, à utiliser un instrument, c'est véritablement notre corps, en fait, qui va décomposer un mouvement, et ces mouvements, au fur et à mesure, vont apparaître de plus en plus fluides, comme les tankins. Et donc, c'est cette intelligence du corps, en fait, qui est mise en œuvre dans la mémoire habitude, en fait. Donc, on pourrait vraiment parler d'une mémoire du corps qui serait opposée, d'une certaine manière, à une mémoire de l'esprit. Mais comme souvent dans la philosophie bergsonienne, et on retrouve cette tension dans ces différents grands livres, ce qui est séparé nettement dans les premiers chapitres trouve toujours un point, un moment ou un point de jonction, en fait. Et on voit bien déjà qu'une des questions qui sera posée par Bergson, c'est... Quelles connexions peuvent éventuellement s'opérer entre cette mémoire du corps et cette mémoire, entre guillemets, de l'esprit, en tout cas, entre ces habitudes motrices et, de l'autre, ces souvenirs purs du passé qui sont emmagasinés dans un inconscient. Et on peut se demander, mais comment ils ressurgissent et à quelle occasion, en fait? Oui, parce qu'au fond, ce qu'il cherche à élucider, au-delà même, sans doute, de la question de l'espace et du temps, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Et il sent bien que c'est en s'intéressant au phénomène de la mémoire qu'il peut aller sur la piste peut-être d'une réponse, si tant est qu'il en trouve une, à cette question redoutable en philosophie. Hein. Descartes situait le lien entre le corps et l'esprit dans cette fameuse glande pinéale, ce qu'il montre aussi dans le traité des passions. Il montre que les passions sont le lien, la preuve qu'il y a un lien entre le corps et l'esprit, alors qu'il est extrêmement dualiste. Pour Bergson, c'est en sondant le phénomène de la mémoire qu'il se met sur la piste de ce lien. Est-ce qu'il est sur la bonne voie? Est-ce que la mémoire va nous conduire vers l'endroit où se rencontrent le corps et l'esprit? Il y a là qui se dit. L'analyse de la mémoire, oui, nous met sur ce point. Et c'est la raison pour laquelle elle est considérée, cette analyse, l'analyse de cette fonction psychologique, est considérée comme, comment dirais-je, un moment privilégié, en fait, dans toute l'économie du livre de matière et mémoire. Et là aussi, c'est ce que je disais au début, en fait, on va vraiment être dans cette espèce de passage, cet aller-retour constant entre la construction d'une psychologie, voire d'une psychologie générale, et la résolution de problèmes métaphysique, puisque il va falloir sortir, comment dirais-je, des problèmes posés par un ensemble de théories ou de pensées qui se sont constituées dans l'histoire de la philosophie, en fait. Comment peut-on considérer, par exemple, que le monde matériel est simplement une représentation de l'esprit ? Idéalisme. Comment peut-on considérer que la matière est simplement un épiphénomène de l'esprit ou autre? Comment réfuter, en tout cas, l'ensemble de ces grandes théories de la pensée philosophique qui font que, dans un cas, on dépouille l'esprit de tout ce qu'il est, le matérialisme, ou dans l'autre, on va dépouiller la matière de tout ce qu'elle est, l'idéalisme. Et à ce titre, on se retrouve dans l'incapacité, que ce soit dans l'idéalisme ou dans le matérialisme, de penser soit ce qu'est effectivement la matière, ou de penser soit ce qu'est effectivement l'esprit. Et dans la philosophie bergsonienne, un des enjeux, finalement, de matière et mémoire, c'est essayer de repérer comment nous pouvons sortir de ces tensions portées par un ensemble de traditions de pensée philosophique, et comment, justement, en fait, à partir de la question de la mémoire, on peut réexplorer tout un univers, tout un domaine, qui est celui justement de l'esprit, de la réalité de l'esprit. Alors l'état où les deux mémoires, la mémoire habituelle et la mémoire spontanée, se mêlent, c'est celui que Bergson nomme la reconnaissance dans la suite du texte, et il prend pour illustrer cette idée l'exemple du chien qui va accueillir son maître par des aboiements joyeux et des caresses. Le chien reconnaît le maître sans aucun doute. Mais, écrit-il, cette reconnaissance implique-t-elle l'évocation d'une image passée et le rapprochement de cette image avec la perception présente ? Ne consiste-t-elle pas plutôt dans la conscience que prend l'animal d'une certaine attitude spéciale adoptée par son corps ? N'allons pas trop loin, met-il en garde, chez l'animal, il n'en va pas de même que chez l'humain. Et donc ça lui permet d'essayer de cerner plus précisément ce que signifie la reconnaissance pour un être humain. Oui, ça va être un des enjeux, en fait, de ce deuxième chapitre, puisque il faut... Une des questions qui va se poser à Bergson, après avoir distingué donc ces deux mémoires, d'un côté la mémoire motrice, qui enregistre donc, comme on l'a vu, le passé sous forme d'habitude motrice, et de l'autre donc la mémoire pure, qui retient, cette conscience qui retient donc l'image des situations passées, telle ou telle lecture. Donc une fois qu'on a distingué ces deux mémoires, il faut essayer de comprendre peut-être à la fois comment non seulement ces mémoires se prêtent à un mutuel appui, et il va falloir essayer de comprendre en gros comment le passé ressurgit aussi dans le présent. Et la question de la reconnaissance, en fait, dans le texte de Matière et Mémoire, vise à essayer de comprendre justement comment on peut poser le problème de la localisation dans le passé, où se trouve le passé, et comment finalement ces deux mémoires interviennent également dans le problème de la reconnaissance. Donc de manière tout à fait concrète, je dirais, et assez simple, le problème de la reconnaissance nous permet en fait de poser la question de la, si on veut, de la localisation du passé. Où se trouve-t-il précisément ce passé, ce par quoi nous avions commencé avec l'extrait de OSS, et comment justement la question de la reconnaissance nous permet-elle justement de résoudre ce problème de la localisation et surtout de revenir au problème métaphysique duquel nous sommes partis, à savoir ce n'est pas le cerveau qui emmagasine les souvenirs. Et donc il faut pouvoir, d'une certaine manière, distinguer, commencer à opérer une distinction radicale, nette, entre d'un côté la matière et de l'autre l'esprit. Et c'est à partir de cette question de la reconnaissance, en fait, qu'on va pouvoir entrer de manière plus nette, de manière plus précise dans cette question des localisations et donc de la survivance du passé dans le présent, la recidive du passé dans le présent. Alors, prenons encore un exemple. Bergson prend l'exemple d'un homme qui ne reconnaît plus sa femme et ses enfants, tout en étant capable de distinguer qu'il a devant lui une femme et des enfants. Que signifie cet exemple pour Bergson ? Tout à fait. Cet exemple, il est important aussi, parce que là, on entre un peu dans l'économie et une des spécificités, je pense, de ce chapitre, mais qui est aussi qu'on retrouve dans toute la pensée de Bergson, c'est que Bergson va beaucoup partir soit des troubles, de pathologies, d'affection cérébrale, de dysfonctionnement pathologique pour justement essayer d'expliciter les fonctionnements de la mémoire et surtout, ce qu'il dit à plusieurs reprises, essayer d'infirmer ou non les hypothèses qui sont les siennes et notamment l'hypothèse centrale de ce deuxième chapitre, à savoir qu'il y a deux mémoires. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que dans cet exemple, ce qu'on voit en fait, c'est que cet homme qui ne reconnaît plus, qui reconnaît une rue, qui reconnaît une femme, qui reconnaît des enfants, et donc un homme qui est capable d'agir dans le présent, mais c'est un homme qui ne se souvient plus. Et donc, comment s'opère cette distinction entre action et de l'autre, souvenir? Comment s'opère cette distinction entre, d'un côté, justement, une mémoire de souvenir, une mémoire pure, en fait, et l'action motrice? Ça va être le sens, finalement, de ces exemples et de mobiliser par Bergson pour essayer de voir, en fait, comment fonctionne la reconnaissance et surtout essayer de montrer que ne pas se souvenir n'implique pas la mort des souvenirs, en fait. Les souvenirs sont toujours là, mais la question qui se pose dans les troubles de la mémoire, c'est quand est-ce que ces souvenirs parviennent à remonter jusqu'à l'action, jusqu'à notre corps, en fait, pour se transformer en action qui va faire que notre corps s'adapte ou non au milieu. Et donc, il va y avoir dans le chapitre 2 un ensemble d'exemples qui vont illustrer comment les deux mémoires, en fait, entrent parfois peut-être en conflit, comment finalement l'action parfois peut se faire sans souvenir ou comment il peut aussi parfois exister des souvenirs qui n'entraînent pas d'action. Et l'analyse des pathologies va servir à cela, en tout cas, les pathologies, en fait, de la reconnaissance. Donc, à confirmer, confirmer ici l'hypothèse des deux mémoires, la mémoire habitude, la mémoire souvenir, qui est soulevée dès le début du deuxième chapitre de Matière et Mémoire. De la reconnaissance ne viendront pas du tout de ce que les souvenirs occupaient la région lésée. Elles devront tenir à deux causes. Tantôt à ce que notre corps ne peut plus prendre automatiquement en présence de l'excitation venue du dehors, l'attitude précise par l'intermédiaire de laquelle s'opérerait une sélection entre nos souvenirs, tantôt à ce que les souvenirs ne trouvent plus dans le corps un point d'application, un moyen de se prolonger en action. Dans le premier cas, la lésion portera sur les mécanismes qui continuent l'ébranlement recueilli en mouvement automatiquement exécuté. L'attention ne pourra plus être fixée par l'objet. Dans le second, la lésion intéressera ces centres particuliers de l'écorce qui préparent les mouvements volontaires en leur fournissant l'antécédent sensoriel nécessaire, et qu'on appelle à tort ou à raison des centres imaginatifs. L'attention ne pourra plus être fixée par le sujet. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce sont des mouvements actuels qui seront lésés ou des mouvements à venir qui cesseront d'être préparés. Il n'y aura pas eu destruction de souvenirs. « 26 chiens. Je me souviens de chacun d'entre eux. Chaque museau, chaque cicatrice, jusqu'au regard au moment de l'impact. Je me souviens de chacun d'entre eux. »« Il y a eu combien de temps entre cette époque et le début des cauchemars ?»« 20 ans. T'as jamais des flashbacks du Liban, toi ?»« Non. Non. Pas que je sache. »« Pas que tu saches ?»« Non. »« Beyrouth, Sabra et Chatil ?»« Quoi, Sabra et Chatil ?»« Tu étais en première ligne, t'étais à quoi ? 100 mètres du massacre ?»« 200 mètres, 300 mètres. » Non, franchement, là-dessus, j'ai pas imprimé, c'est tout. Mon disque dur est vide. T'as vraiment rien retenu du Liban ? Aucun rêve ? Aucun souvenir ? Non, non, non. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons de matière et mémoire de Bergson cette semaine. Aujourd'hui, deuxième chapitre, en compagnie de la philosophe Yella Kisukidi. Vous venez d'entendre un extrait du texte de Bergson, suivi d'un extrait de Valse avec Bachir, le film animé d'Harry Folman qui date de 2008. « J'ai pas imprimé », dit le personnage principal qui a donc, on dirait, fait un blackout de son expérience de la guerre du Liban. « Mon disque dur est vide ». C'est assez proche de l'expérience que décrit Bergson dans le texte. Il y a là ce qui dit cette image du disque dur qui n'aurait pas imprimé, comme si les souvenirs eux-mêmes étaient localisés à un endroit du cerveau et que celui-ci n'avait tout simplement pas fonctionné. Oui, exactement. L'image, enfin, cet extrait de Valse avec Bachir est extrêmement parlant pour ça. Bon, je retire toute la dimension liée au trauma ou la dimension vraiment liée au vécu du personnage. Mais si on revient précisément au texte de Bergson, on pourrait se dire là aussi, mais où sont ces souvenirs ? Est-ce que effectivement ils ont disparu avec un coin du cerveau qui aurait été, je ne sais pas, peut-être éventuellement abîmé ou est-ce qu'il y a une connexion, en tout cas, qui ne se fait plus ? Et là, on revient un petit peu aux exemples, en fait, qui parsèment, finalement, là, le texte, le chapitre 2 de Matière et Mémoire, et qui interroge toujours, finalement, la question du processus de la reconnaissance, puisque c'est un peu ce que montrait déjà l'exemple qui était donné de l'homme qui voit une femme, des enfants, une rue, mais qui ne reconnaît ni sa femme, ni ses enfants. C'est que, finalement, on peut reconnaître une rue, sans reconnaître que c'est sa rue, on peut reconnaître une femme sans reconnaître que c'est sa femme. C'est-à-dire, en gros, que la reconnaissance ne s'exprime pas, en tout cas, ne s'explique pas strictement et toujours par la simple, comment dirais-je, perception, par la simple association d'une perception actuelle à un souvenir, en fait. Il y a aussi là plusieurs types de reconnaissance. Et par exemple, ce qui est intéressant dans le chapitre 2, en fait, c'est que les types de reconnaissance que mobilise Bergson vont aussi renvoyer aux deux types de mémoire qu'il distingue dès le début du chapitre. Donc d'un côté, une espèce de reconnaissance automatique, instantanée, et de l'autre, une reconnaissance qui va appeler l'attention, qui va mobiliser les souvenirs. Et je voudrais revenir par exemple sur la première reconnaissance, la reconnaissance automatique. Personne n'a, comment dirais-je, un exemple aussi très très très parlant, en fait, pour bien comprendre de quoi il s'agit, en fait, et pour bien comprendre effectivement que toutes les processus de reconnaissance n'impliquent pas l'association d'une perception actuelle à un souvenir. C'est le sentiment de familiarité quand je me promène dans ma ville. Les promenades sont souvent machinales, au point même que je ne vois même plus les rues que je traverse, précisément parce que elles sont toujours déjà reconnues. Et même la perception de telle rue que je connais et qui m'est familière est pratiquement ou devient pratiquement inutile, en fait. Et ce sentiment de familiarité, qui est finalement une des formes de la connaissance, renvoie à un ensemble de mécanismes moteurs, et donc à cette première mémoire habitude, en fait, qui était décelée, ou en tout cas mise en avant au début du deuxième chapitre de Matière et Mémoire. Donc c'est déjà aussi intéressant avec ce phénomène de la reconnaissance, c'est que peut-être il ne faut pas aller trop vite, et d'emblée considérer, en fait, que reconnaître, c'est nécessairement lié une perception à un souvenir. Là aussi, il y a des types de reconnaissance qui vont embarquer à chaque fois différemment les types de mémoire qui ont été distingués au début du second chapitre de Matière et Mémoire. Mais comment Bergson répond-il à la question de savoir où sont les souvenirs, s'ils ne sont pas dans le cerveau? On a commencé l'émission en disant pour Bergson, les souvenirs ne sont pas emmagasinés dans le cerveau. Alors, où sont-ils? Les souvenirs ne sont pas emmagasinés le cerveau. Les souvenirs sont précisément emmagasinés dans cette espèce d'inconscient, on pourrait dire, que constitue notre mémoire pure. Et donc, en gros, si cet inconscient existe, s'il est délié fondamentalement du cerveau, nous pouvons au moins commencer à donner une réponse à la question qui était centrale et qui était posée donc par Matière et Mémoire. Il existe, l'esprit existe, et l'esprit n'est pas une émanation quelconque de la matière, il est fondamentalement, il se distingue fondamentalement du cerveau. Et donc il faudra penser cette espèce de mémoire pure comme une espèce d'inconscient, en fait, qui enregistre, qui emmagasine tel souvenir, et c'est précisément cette mémoire-là, en fait, qui va donner une couleur, qui va constituer, en tout cas, ou donner une épaisseur à ma subjectivité. Mais ces souvenirs-là ne sont pas dans le cerveau. Ça, c'est difficile à comprendre, hein, ce que vous êtes en train de dire, de savoir que les souvenirs, la mémoire pure n'est pas dans le cerveau, parce que, ou alors la question est mal posée, il ne faut pas poser la question de la localisation, c'est peut-être un ensemble de phénomènes qui produit la mémoire pure, mais sinon on imagine une sorte de nuage qui flotte au-dessus du cerveau, qui serait l'inconscient et dans lequel on pourrait puiser, enfin on puiserait sans le savoir pour se remémorer des choses qu'on croyait oubliées. Tout à fait, mais ici il est extrêmement important de voir de quoi on part. On parle de l'action, en fait. On part pas de la représentation, on part pas de la connaissance. Et ce qui est intéressant, c'est de comprendre quel est finalement le rôle du cerveau dans toute cette réflexion que produit Bergson. Et là, c'est vrai que c'est une difficulté, mais le rôle du cerveau n'est pas de produire de la représentation. Le rôle du cerveau, c'est d'opérer un ensemble de connexions. Le cerveau est une partie matérielle de ce monde, en fait, à côté d'autres objets matériels. Et ce cerveau, en fait, comme centre matériel, va, comment dirais-je, opérer des connexions entre des mouvements, des sensations et des actions pour que mon corps s'insère véritablement dans le monde et puisse y agir, en fait, s'adapter à son milieu. Et donc, en fait, ce qu'il faut, c'est peut-être, je ne sais pas si c'est une difficulté, mais il faut vraiment penser le cerveau comme un centre d'action. Et non pas dans la pensée bergsonienne, comme un organe qui produit des représentations. Le cerveau n'est pas un organe de représentation, mais un organe d'action. Il le dit dès le premier chapitre, le cerveau ne doit donc pas être autre chose, à notre avis, qu'une espèce de bureau téléphonique central. Oui. Son rôle est de donner la communication ou la faire attendre, mais il n'ajoute rien à ce qu'il reçoit. Et comme tous les organes perceptifs y envoient leur dernier prolongement et que tous les mécanismes moteurs de la moelle et du bulbe y ont leurs représentants attitrés, il constitue bien réellement un centre où l'excitation périphérique se met en rapport avec tel ou tel mécanisme moteur choisi et non plus imposé. C'est l'image du bureau téléphonique central qui est très parlante ici à l'Akisukidi. Oui, et cette image, elle est parlante précisément parce que ce qui importe, c'est quoi? C'est donner la communication entre les mouvements. C'est-à-dire que le cerveau est un... C'est la singularité de la théorie du cerveau chez Bergson. C'est un centre, mais il ne produit rien, de certaine manière. Il communique des mouvements entre eux qui vont engager ensuite des actions. Et une des questions qui va être extrêmement importante dans le texte, et peut-être qu'on peut redonner plus de liens avec la pensée de la mémoire qui est présente en Matière et Mémoire, en fait, c'est comment finalement vont pouvoir se concilier à la fois l'idée que le cerveau est un centre d'action, qui justement communique des excitations reçues, des mouvements, en fait, justement, pour mettre le corps en action. Comment lier cela, justement, à la mémoire habitude, à cette mémoire du corps, en fait? Et ensuite, comment aussi lier tout cela à, comment dirais-je, la mémoire pure, en fait, qui va donner aussi une certaine épaisseur, une certaine densité, finalement, à l'action que nous engageons dans le monde. Et si aussi, ici, la raison pour laquelle peut-être la question de la reconnaissance sur laquelle je suis passée, mais sur laquelle il faudrait peut-être revenir, va être importante, puisque là, nous avons parlé d'une première reconnaissance, la reconnaissance automatique, en fait, qui n'implique aucun souvenir explicite dans mon action. Je me balade dans la ville et j'ai pas besoin de me rappeler à chaque fois toutes les balades que j'ai faites dans cette ville pour emprunter telle rue. J'évolue de manière machinale. Et un autre type de reconnaissance, en fait, qui va exiger cette fois la mobilisation d'un souvenir. C'est-à-dire que je perçois le monde, je suis engagée dans ce monde, je commence à sélectionner les images. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, je vais finalement colorer telle perception plus singulièrement, lui donner une intensité beaucoup plus forte afin de commencer à en dégager les détails, les contours plus précis en fait. Donc en gros, ce qu'il s'agit de penser, c'est dans cette deuxième reconnaissance, c'est que il n'y a pas de représentation certes contenue dans le cerveau. Le cerveau, ce n'est pas l'organe qui contient les souvenirs, mais par contre, à partir du cerveau, il va falloir peut-être penser comment justement certains types de souvenirs peuvent commencer à s'insérer dans le présent pour nourrir et alimenter l'action de mon corps sur le monde en fait. Donc ce sont tous ces éléments en fait de la théorie du cerveau qu'on va retrouver justement dans le chapitre 2 de Matière et Mémoire et qui sont assez centraux justement pour essayer de poser et de résoudre le problème métaphysique de la relation entre la matière et l'esprit. C'était celui du petit morceau de madeleine que le dimanche matin à Combray, parce que ce jour-là je ne sortais pas avant l'heure de la messe, quand j'allais lui dire bonjour dans sa chambre, ma tante Léonie m'offrait, après l'avoir trempé dans son infusion de thé ou de tilleul. La vue de la petite madeleine ne m'avait rien rappelé avant que je n'y eusse goûté. Peut-être parce que, en ayant souvent aperçu depuis, sans en manger, sur les tablettes des pâtissiers, leur image avait quitté ces jours de Combray pour se lier à d'autres plus récents. Peut-être parce que de ces souvenirs abandonnés si longtemps hors de la mémoire, rien ne survivait, tout s'était désagrégé. Les formes, et celles aussi du petit coquillage de pâtisserie, si grassement sensuel sous son plissage sévère et dévot, s'étaient abolies, ou ensommeillées, avait perdu la force d'expansion qui leur eût permis de rejoindre la conscience. Mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule, plus frêle, mais plus vivace, plus immatérielle, plus persistante, plus fidèle, l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Adèle Van Rett. Un autre exemple de reconnaissance, ici décrit par Proust, par le narrateur de La Recherche du Temps Perdu. La dernière phrase illustre bien, hein, mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste, après la mort des êtres, après la destruction des choses, seule l'odeur et la saveur restent encore longtemps, comme des âmes à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, l'édifice immense du souvenir. Quel lien entre le souvenir ici qui surgit de manière involontaire, dirait Proust, et le lien que fait Bergson entre le souvenir et la perception justement dans sa théorie de la reconnaissance, il y a là Kisuki dit. Oui, alors ici, ce texte de Proust, il est assez important. C'est vrai qu'on rejoue souvent les liens de parenté entre la pensée proustienne de la mémoire et celle de Bergson sont aussi des auteurs qui sont contemporains. Et il y a bien pour les deux auteurs, finalement, l'idée qu'il y a aussi deux mémoires, en fait. Une mémoire qui s'obtient par habitude, répétition, et effectivement, une mémoire donc qui s'acquiert spontanément pendant notre vie, tout au long de la durée de notre vie, en fait, et qui parfois ressurgit de manière aléatoire. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce texte de Proust, en fait, il pourrait tout à fait nous permettre aussi d'illustrer de cette manière la seconde mémoire, l'exemplifier, donc cet inconscient mémoriel, cette mémoire pure, en fait, qui pourrait ressurgir, mais étrangement, en fait, il nous permet aussi de faire de comprendre un peu précisément le lien entre la perception et le souvenir chez Bergson, parce que ici, je pense qu'il faut insister sur le fait, en tout cas, moi, j'aimerais insister sur le fait que c'est un texte littéraire et qu'on est confronté à une œuvre d'art, à une création, et que quand on lit le deuxième chapitre de Matière et Mémoire, on a aussi une réflexion, la perception dont on nous parle, et celle qui est engagée par le cerveau, etc., et qui se met en action, c'est une perception utile. Et d'une certaine manière, la manière dont l'action va se fissurer, ou en tout cas dont les fissures qui vont permettre à des éléments de l'inconscient mémoriel de surgir dans le présent, sont précisément ceux qui sont utilisés pour nourrir l'utilité de nos actions dans le monde. Or là, quand on est confronté à l'art, on est confronté à des types, comment dirais-je, de perception, ou en tout cas à des types de pratiques, en fait, qui sont fondamentalement désintéressées. Et ce que nous dit Bergson aussi, en fait, c'est que cet inconscient mémoriel, il ressurgit, en fait, finalement, à la surface, précisément à travers des pratiques désintéressées, comme celle du rêve, puisque le rêve n'est lié à aucune action, en fait, comme celle de l'art, ou encore comme celle, peut-être, de la philosophie. Et ce qui est très beau, en fait, c'est que le moment où, finalement, les souvenirs peuvent, que nous avons emmagasinés, donc nos souvenirs purs, peuvent commencer à remonter à la surface, à la perception, et tapisser notre présent, c'est précisément quand ils ne sont plus inhibés par l'action utile. Et donc, peut-être un point qui peut être important de noter, c'est que finalement, la mémoire motrice, cette mémoire du corps, elle a aussi une fonction un peu inhibitrice sur notre mémoire pure, puisqu'elle ne laisse passer de cette mémoire que les souvenirs qui sont utiles à l'action, qui sont utiles donc à notre perception présente, à notre engagement précisément dans notre milieu environnant en fait. Et j'ajoute aussi que Proust lui-même, dans un entretien accordé au journal Le Temps le 13 novembre 1913, donc la veille de la parution chez Grasset du côté de chez Swann, a dit ceci: « Mon livre serait peut-être comme un essai d'une suite de romans inconscients. Je n'aurais aucune honte à dire bergsonien, si je le croyais, car à toute époque il arrive que la littérature a tâché de se rattacher à la philosophie régnante, mais ce ne serait pas exact, car mon œuvre est dominée par la distinction entre la mémoire involontaire et la mémoire volontaire. » Distinction qui non seulement ne figure pas dans la philosophie de M. Bergson, mais est même contredite par elle. Donc vous voyez, c'est Proust lui-même qui prend ses distances et qui dit « moi, cette distinction-là, elle m'appartient en gros, et ce n'est pas ce à quoi procède Bergson dans son travail. » Et il a raison. Non, ce n'est pas ce à quoi il procède Bergson, effectivement. Et d'ailleurs, juste pour l'anecdote, il existe des lettres, en fait, où Bergson ne dit pas toujours, enfin ne dit pas spécialement aime l'œuvre de Proust, ne dit pas spécialement en fait quel est son avis sur cet usage que Proust fait de la mémoire. Et par ailleurs, je ne sais pas, l'artiste lui-même, Proust, était un peu gêné par le fait qu'on utilise constamment finalement, et ça peut avoir de manière générale, la littérature comme simple illustration, comment dirais-je, d'une thèse philosophique. Parce que de toute façon, là aussi, on voit que les orientations des œuvres, des pratiques ne sont pas les mêmes. D'un côté, la quête, celle d'une recherche, qui est un absolu également. Et de l'autre, chez Bergson, la volonté, en tout cas à partir de cette réflexion sur les deux mémoires, de résoudre là aussi un problème métaphysique et de retrouver d'une certaine manière la question de la durée à partir de la distinction donc de ces deux mémoires. Oui, ça nous permet de bien distinguer entre mémoire volontaire et involontaire en disant que c'est pas la distinction à laquelle procède Bergson. On peut s'en tenir là. Alors, que faut-il garder de ce chapitre, Yalakisuki dit, parce que Bergson le dit lui-même, la philosophie est susceptible de la même précision que la science positive, Comme la science, elle pourra progresser sans cesse en ajoutant les uns aux autres des résultats une fois acquis. Ça, il le dit en 1915 dans la philosophie française. Appliquons ce qu'il dit non seulement à matière et mémoire, et à ce chapitre en particulier. Est-ce que l'avancée des sciences, des recherches scientifiques sur le cerveau confirme ou infirme ce qu'avance Bergson dans ce texte? En fait, ce qu'il faut vraiment garder de ce chapitre, je dirais qu'il y a deux éléments, en fait. Un premier élément, déjà, qu'est-ce qu'on entend par là? Qu'est-ce qu'on garde du point de vue des résultats? C'est le sens de votre question. Et qu'est-ce qu'on garde peut-être du point de vue, de l'attitude et de l'engagement philosophique? Si on garde sur la question de l'engagement philosophique, ce qui est passionnant dans le texte, et c'est peut-être ce qui le rend aride, c'est que déjà, il l'invite à se plonger effectivement dans l'histoire des sciences. Et un des enjeux du texte, c'est qu'à chaque fois, il procède par hypothèse et par réfutation. C'est-à-dire qu'à chaque fois, Bergson va tenter de soulever une hypothèse concernant les distinctions des deux mémoires, les souvenirs, le lien entre la mémoire et le cerveau. Et à chaque fois, ces hypothèses vont être soit confirmées, infirmées par des exemples précis tirés des sciences expérimentales. Et là, essentiellement, des pathologies liées à des pathologies cérébrales. Donc il y a tout ce rapport, si vous voulez, entre la question du lien entre les sciences et la philosophie. Et l'idée, qui est une idée un peu centrale de la pensée bergsonienne, de faire quelque chose comme une métaphysique positive, ouais. C'est-à-dire une métaphysique qui soit, soutenue par les avancées de la connaissance et de la science de son temps, qui vont être complètement mises en jeu et au cœur de l'économie argumentative de ce deuxième chapitre de Matière et mémoire. Donc ça, c'est déjà un point. Et ensuite, là aussi, je pense que dans ce qu'il faut garder ou non de ce chapitre, je pense que c'est vraiment cette attitude philosophique, mais aussi peut-être plus que... Moi, je tournerai pas du côté de la neurologie, mais aussi toutes les questions liées à l'inconscient. C'est qu'on a déjà ici, dans ce deuxième chapitre, toute une théorie de l'inconscient qui va être complètement explorée, analysée de manière beaucoup plus ample dans, finalement, le chapitre 3 de Matière et mémoire, qui se met en jeu, en fait. Et de quoi est fait cet inconscient chez Bergson? Ça aussi, c'est une question passionnante. De rêves, de souvenirs emmagasinés qui composent finalement constamment notre vie et qui sont toujours là en fait. Et cette idée-là, en fait, je pense que c'est une idée aussi qui est extrêmement forte du bergsonisme, puisqu'elle va également être remobilisée dans toute sa théorie de l'art, dans toute sa théorie de la perception esthétique, pour essayer justement de penser que ce que font les artistes, comment ils voient le monde, quand précisément la perception qu'ils ont sur ce monde n'est plus du tout une perception utile, mais une perception désintéressée. Donc moi, dans ce chapitre 2, paradoxalement, c'est vraiment cette attitude, en tout cas cet engagement de la philosophie avec les sciences qui me paraît fondamental, et toutes ces ouvertures peut-être autour des théories de l'inconscient et une réflexion plus engagée sur ce que c'est que la perception artistique, la perception désintéressée, à la fois dans le champ effectivement de l'art, mais aussi dans le champ de la composition, des savoirs et de la formation des idées. Vous l'enseignez encore aujourd'hui, ce qu'il dit ce texte, à vos étudiants? C'est pas ce texte que j'enseigne le plus. Moi, les textes de Bergson que j'enseigne, c'est l'évolution créatrice et les dessous de la morale et de la religion. Mais c'est vrai que ce n'est pas ce texte que j'enseigne le plus. Mais c'est paradoxalement un texte sur lequel je reviens beaucoup. Puisque les orientations philosophiques qui sont les miennes aujourd'hui m'entraînent vers d'autres chemins où la question de la mémoire est centrale. Et c'est vrai que pour penser les questions de la mémoire, de la résurgence du passé, de la manière dont le passé est constamment rejoué dans la manière dont nous engageons dans le présent, Bergson est un auteur qui offre et qui fournit beaucoup de clés à la fois à l'imagination théorique, mais aussi pour penser des problèmes parfois politiques toujours très précis. Et alors pour en finir, un dernier mot sur ce deuxième chapitre avant de passer la parole, ce sera demain, pour le troisième chapitre à Souleymane Bachir Diagne. Sur quelle idée se termine ce chapitre-là? Peut-être essayons de conclure sur ce chapitre pour donner envie de continuer à lire et de découvrir le chapitre 3. Alors le chapitre justement, je vais peut-être lire, la dernière phrase, je reprends le livre sous les yeux, où il dit précisément en fait, on va approfondir et réfléchir, montrer par quel progrès continu le passé tend à reconquérir son influence perdue en s'actualisant. Et donc, en gros, il va falloir opérer un nouveau renversement et essayer de montrer comment justement les images, les souvenirs purs, cette fois, survivent effectivement dans l'esprit et essayer d'explorer justement toute cette vie de l'esprit et son insertion finalement dans la pointe de l'action et dans la pointe du présent. Donc voilà sur quoi s'opère le point de bascule entre le chapitre 2 et le chapitre 3. Et bien voilà, et demain nous explorerons la survivance des images et on parlera de la mémoire et cette fois-ci de l'esprit et non pas du cerveau. Un grand merci à vous Yala Kisukidi de nous avoir parlé ce matin, de nous avoir donné envie de lire et de nous avoir aidé à le faire, ce deuxième chapitre de Matière et mémoire. Merci beaucoup. Try to remember kind of September, when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and grain was yellow. Try to remember the kind of September when you were a young and callow fellow. Try to remember, and if you remember, then follow. Try to remember when life was so tender that no one wept except the willow. Try to remember when life was so tender that dreams were kept beside your pillow. Try to remember when life was so tender that love was an ember about to billow. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver, comme tous les jours, le journal de la philo présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Il y a une semaine, presque personne ne connaissait son nom. Aujourd'hui, tout a changé. George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans, tué lundi dernier, le 25 mai au soir, lors de son arrestation par un policier à Minneapolis, est devenu l'emblème de plusieurs manifestations de protestation à travers les États-Unis. Il y a une semaine, presque personne donc ne connaissait son nom. Aujourd'hui, oui. Mais est-ce que tout a vraiment changé ? Les amis de George Floyd réunis dans le quartier où il a grandi à Houston pour lui rendre un dernier hommage. Ici, les images de sa violente interpellation sont encore dans tous les esprits, toute une communauté en deuil qui attend à présent que justice soit rendue. C'était un homme avec un grand cœur, qui s'est toujours battu pour ses convictions. C'est pour cela qu'il doit être défendu. La mort de George Floyd lundi soir dernier aux États-Unis a suscité colère, souffrance et révolte. Des manifestations, des protestations, des émeutes sur plusieurs jours dans plusieurs villes. La vidéo de plusieurs minutes montrant son arrestation et son décès est devenue virale. Les personnalités du monde entier ont dénoncé ce crime racial. L'un des mots qui est revenu le plus souvent est celui d'insoutenable. Vidéo insoutenable, crime insoutenable, situation insoutenable. Pourtant, ça m'a frappé, ce terme insoutenable allait de pair avec un autre terme, celui de familier. Les images sont tragiquement familières, pouvait-on lire dans Le Monde du 29 mai. L'histoire se répète, normalité anormale selon les mots de l'ancien président des États-Unis, Barack Obama. J'ai été frappée par ce paradoxe dans la mort de George Floyd, mais aussi d'Ahmaud Arbery et d'Eric Garner, afro-américains tués aussi par la police. Ce paradoxe dans cette normalité anormale, ou dans cette tragédie devenue familière. Pourquoi, malgré la colère, la souffrance et l'injustice, rien ne change? Pourquoi la normalité reste-t-elle normale, la tragédie familière et l'histoire se répètent-elles? Our streets! Our streets! Our streets! Chaque année, aux États-Unis, des études et des statistiques témoignent de la disproportion systématique des violences policières contre les Afro-Américains. Racisme structurel, police injuste, histoire américaine et discrimination expliquent sans les justifier cette transformation de l'exceptionnel en quotidien. Récemment, en France, la chanteuse Camélia Jordana déclenchait un tollé en témoignant de son insécurité face à la police. Pourtant, qu'il s'agisse de les dénoncer ou de les expliquer, qu'elles suscitent la colère ou l'indignation, les violences policières sont devenues des affaires normales. On accepte de voir régulièrement dans les médias ces injustices, d'assister impuissant à la tragédie, de regarder l'histoire se répéter. Même quand on se révolte, même quand on dénonce le caractère insoutenable de ces actes, rien ne semble y faire. À partir de combien d'indignations, de souffrances, d'études, de livres, de prises de parole, à partir de combien de colères, d'émeutes et de rassemblements, les choses peuvent-elles changer? À partir de quand et de quoi peut-on stopper cette répétition? Peut-on arrêter ou transformer l'histoire? Cette question, c'est un problème classique en philosophie. Est-ce que les hommes font l'histoire? Et si oui, comment? Y participent-ils? Sont-ils agis par le cours des choses? Ou y a-t-il de grands hommes? Aucune réponse, je l'avoue, ne m'a jamais satisfaite durant mes études de philosophie, et encore aujourd'hui. Mais pourquoi? Pourquoi ce problème de l'histoire et du cours des choses est-il encore et toujours un problème? I saw them treat me like a slave, can be black. Boy, if you feel my leap of pain, can be black. I'm an asset, they put me in a chain, can be black. I'm a chain now, me go a chain full of rats. L'histoire m'a toujours posé un problème. J'ai toujours eu l'impression qu'on me racontait une histoire sans que je ne puisse rien y faire. Un récit passé dont je pouvais certes tirer des enseignements, des réflexions, des dates, des repères, mais pas modifiés. Encore heureux pour le passé. Mais qu'en est-il pour aujourd'hui? L'histoire continue-t-elle à se dérouler sous mes yeux sans que je puisse rien y faire? Je sais qu'il y a des militants, des hommes politiques, des personnes engagées. Je sais aussi qu'il y a de l'imprévisibilité, du hasard, mais aussi des avancées, du progrès, et que l'histoire se répète sans être tout à fait la même. Mais pourquoi y a-t-il encore des George Floyd aujourd'hui? Quelle force, quelle puissance anime l'histoire et avec laquelle je ne peux pas débattre, je ne peux pas me débattre? Au fond, là est ma question. Pourquoi l'histoire m'est-elle à la fois familière, si quotidienne et si distante? Pourquoi me concerne-t-elle et me renvoie-t-elle sans cesse à mon impuissance? Pourquoi j'en suis sans la faire? Est-ce un problème avec ce terme d'histoire? En fait, j'en viens même à me dire que la question à poser serait plutôt celle-ci. Comment les hommes ne font-ils pas l'histoire? Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci, un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'aide chaque jour, confinement ou pas, à préparer ces émissions. Anaïs Isbert, Géraldine Mosna-Savoie, Isis Jourda, Manon de la Selle, Clara de Giovanni. Nicolas Berger réalise cette émission pour vous cette semaine. La prise de son aujourd'hui, c'était Nicolas Delmas. Merci au CDM de Radio France qui a assuré la liaison et ainsi permis cette émission. Merci à Éric Herson-Macarel qui prête sa voix au texte de Bergson cette semaine également. On se retrouve demain pour la suite de notre série autour de matière et mémoire. Demain, ce sera le philosophe Souleymane Bachir-Diagne qui, depuis New York, c'est-à-dire depuis chez lui, vous aidera à comprendre le troisième chapitre de matière et mémoire. D'ici là, sachez que vous pouvez comme toujours télécharger cette émission, la podcaster pour l'écouter au moment de la journée que vous choisirez et que l'équipe des Chemins vous attend sur les réseaux sociaux Twitter, Instagram et Facebook. À demain, 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.